Section 97 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Yannick Loiseau. La lecture, tome 7e. Section 97, la charge. Tableau de bataille par Henri Houssaye. Introduction. Il y a la goutte à boire là-bas, il y a la goutte à boire. Cela, c'est l'hymne du combat moderne. C'est le paix en français, c'est la charge, le chant souverain de l'infanterie, la reine des batailles. C'est le refrain trivial et ironique qui a fait le tour du monde en avant des baïonnettes, qui a retenti en Algérie, en Crimée, en Italie, en Chine, au Mexique, au Tonkin, en France aussi, hélas, et qui, tant de fois, a mené nos fantassins à la victoire ou à la mort. Quand, rapide et furieux, il éclate au fort de la mêlée, cet air enivre les plus vaillants et entraîne les plus timides. Il fait un héros du dernier conscrit et un cynégire de ce voltigeur de l'Alma qui, le bras brisé par une balle, empoigna son clairon de la main gauche et continua de sonner. Pendant la charge, il semble qu'au milieu des nuages de poudre passe, échevelé et terrible, les yeux pleins d'éclairs et la bouche emplie de hurrahs, la Bellone de Rude. Les Spartiates attaquaient au son des flûtes et en chantant les vers de Tyrté. Les Athéniens chargeaient l'ennemi au bruit des trompettes en criant « le le » et « alala », la lalie sauvage de nos chasses à cour, et en chantant l'hymne à Arès. Les légions romaines s'ébranlaient en poussant la grande exclamation « Roma, pro patria !» Puis les cris mille fois répétés « Cominus, Cominus !» de près se mêlaient aux fanfares des cors et des trompettes. Les grenadiers de la vieille garde marchaient avec les tambours, les fifres et la musique et culbutaient russes et prussiens sur l'air. On va leur percer le flanc, ran, ran, ran en plan, tirelire, on va leur percer le flanc, que nous allons rire. La ligne, l'infanterie de marine, les zouaves donnent l'assaut au cri de « en avant !» Et dans les notes de la charge, vibrant dans les clairons et grondant dans les tambours, les soldats entendent le refrain « Il y a la goutte à boire là-bas. Il y a la goutte à boire. » Fin de la section 97.